Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de La Mécanique des Ondes. Le concept de l'émission, je vous le rappelle, c'est de donner la parole aux grands de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé la radio et quelle est leur vision du média radio aujourd'hui? Je reçois Christian Spitz, alias le Doc, que l'on retrouve tous les soirs en ce moment dans l'émission Lovin' Fun sur Fun Radio. Christian Spitz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au micro d'une radio associative et j'ai envie de vous demander si ça vous rappelle des souvenirs ou pas. Oui, parce que j'en ai fait et je trouve ça très bien. D'abord, je suis déjà venu une fois chez vous il y a très longtemps, donc je suis ravi de revenir. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'effectivement, c'est la passion qui mène la radio associative et puis envie d'être cette petite voix qui parle, peut-être qui, quelquefois, peut faire sourire les grands, mais voilà, c'est quand même une voix qui parle et je suis très intéressé par ces voix, voilà, un peu underground peut-être, mais pas tant que ça, et qui touchent pas mal de gens. Alors vous avez commencé où et quand? La radio en 92 sur Fun Radio par hasard, je suis tombé dedans, voilà. Et c'était une période assez étonnante parce que la bande FM à ce moment-là, évidemment, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans. Ça faisait 10 ans que Mitterrand avait libéré la bande FM, donc c'était très encore un petit côté amateur, on va dire les choses comme ça, voilà. Bon, ce qui n'était plus vraiment le cas. Donc moi, j'étais pas allé dans l'idée d'être un jour dans une grande radio qui faire parler de moi. Je trouvais le projet très intéressant, voilà, très intéressant de faire parler les adolescents, de leur répondre, d'avoir cette bipolarité d'un animateur un peu décalé et déjanté, et de quelqu'un qui répond sérieusement dans une conversation qui ne va pas imposer, ou en tout cas, il ne va pas imposer le ton. Voilà, j'écoute et je. Donc voilà, ça a marché très bien. Et puis après, je suis tombé dans le moule, des choses comme ça. J'ai fait 6 ans à Fun Radio. Après, ça s'est arrêté pour des raisons diverses. Bon, peu importe. Ah, attendez, qui vient vous chercher C'est Benoît Sillard, qui était le patron de radio, que je connaissais bien, on dînait ensemble, je suivais ses enfants, on jouait au tennis. Puis alors il me disait tout le temps, voilà, je suis revenu des États-Unis, machin, c'est un super concept et tout. Alors tu vois, tu connais pas quelqu'un. Bon. Puis à la fin, je dis, je joue pas, non, pas vraiment. Puis à bout de 3-4 fois, il me dit, bon, est-ce que tu veux pas essayer? Je lui dis, oui, volontiers, on va se marrer. Donc voilà, j'ai essayé et c'était vraiment prendre des risques parce que, voilà, mon métier, c'est pédiatre, je le rappelle. Donc j'avais beaucoup de passion, énormément de passion. Je travaillais déjà beaucoup, donc financièrement et même, bon voilà, j'avais pas de problème, sauf que j'avais pas le temps. Pas vraiment le temps. Donc ça a été évidemment dépend de mon activité pédiatrique et voilà, avec beaucoup de risques, tout ce que cela implique sur le plan financier, mais voilà, j'ai vécu une zone de turbulence. Et tout le monde pense que je me suis rempli les poches. Non, j'ai vécu une zone difficile de turbulence où il a fallu faire des économies drastiques et recadrer tout ça. Oui, parce que ça vous prenait du temps, vous faisiez une libre antenne le soir. Oui, une libre antenne le soir, c'était tous les soirs, et puis je voyais moins de patients, forcément. Donc je gagnais moins ma vie dans le cabinet, mais au cabinet médical, quand on est dans le privé, ben, c'est simple, on a des charges, des obligations. Et pourquoi alors, cette passion soudaine de la radio? Oui, moi j'ai bien aimé. En plus, bon, je suis pédiatre, donc parler aux adolescents, ou en tout cas aux post-adolescents, aux gens jeunes qui sont en construction, c'est quand même une chance extraordinaire de pouvoir, comme ça, échanger avec eux, leur donner des points de repère, les écouter, c'était bien. Oui, ça a débouché sur plein de choses. Vos débuts à Fun Radio, est-ce que vous avez été étonné par ce ton cru quand même des auditeurs? Enfin, comment vous avez vécu ces premières années? Non, j'ai pas été étonné. J'avais vraiment une obligation d'être à ma place. Même si, oui, vous savez, quand on est médecin, on est en salle de garde. Alors, je vous raconte pas ce qui se passe en salle de garde. Et moi, je me souviens avoir commencé mes études. J'avais pas 18 ans. Et à ce moment-là, c'était en province. Il y avait ce fameux bizutage, entre guillemets. La première chose que j'ai appris en médecine, c'est Chanchon Paillarde. Alors, je vous les centrerai pas aujourd'hui parce que franchement, ça n'a rien, il y avait pas à rougir par rapport à ce qui se disait sur Fun Radio. Donc, tout ça, je l'avais appris. Donc, c'est quelque chose qui me paraît pas primordial. Enfin, c'est pas dramatique. L'essentiel, c'était qu'ils utilisent leurs mots. Et qu'ils disent ce qu'ils ressentaient, voilà, avec les mots de tous les jours qui choquent évidemment les personnes, notamment les adultes quelquefois. Mais bon, c'est pas grave ça. Alors le CSA, bien sûr, n'a pas été très content. Alors il y avait aussi des tensions entre le patron d'RTL et puis le patron du CSA qui avait été en même promotion de l'ENA. Je l'ai su après. Les deux sont morts, je crois, donc je peux en parler. Et donc là-dessus, il y avait effectivement une petite haine. Fun Radio venait d'être acheté par la CLT, par RTL et tout ça. Donc il y avait tout ça. Alors, il faut être bien clair, on m'a jamais attaqué, moi. Hein. On m'a toujours dit, voilà, vous allez faire l'émission tout seul, enregistré, sans animateur. J'ai dit non. Parce que j'ai un format auquel je crois, je refuse cette injonction. J'aurais pu bêtement le faire, ce qui aurait été effectivement complètement stupide. Puis là, brutalement, on a eu effectivement énormément de soutien, notamment le soutien des politiques et du pouvoir en place. Et d'ailleurs, Balladur avait, c'est le ministre de la Communication qui était Carignan à ce moment-là, qui avait dit à Balladur, bon, écoutez, je suis allé les soutenir parce que franchement, c'est ridicule tout ça. Et la phrase de Balladur qui m'avait été rapportée, il fait, c'est pas une émission un peu salace. Avec le ton, Balladur. Ouais, c'était très drôle. Voilà, bon, après, il y en a d'autres qui ont eu cette vision un peu négative de la jeunesse. Mais je pense qu'il faut quand même imaginer que la sexualité est quelque chose qui est violemment présent à cet âge-là, parce que le corps demande à l'expression de sexualité, que ça dépasse parfois les sentiments, et que quelquefois, au travers des mots, on a entre guillemets une certaine violence. Mais ça ne correspond pas à la réalité du vécu, c'est-à-dire que les garçons peuvent être très crus, très violents, et puis quand ils sont avec une fille, ils sont des petits moutons, parce qu'effectivement, il s'agit avant tout de relations amoureuses. Ce que j'ai constaté à ce moment-là, et maintenant, c'est ce qui est plus important que tout, c'est la relation amoureuse. Alors après, on va parler de pratiques sexuelles, tout ça. D'accord, je veux pas de soucis. Mais le plus important, c'est quand même établir une relation amoureuse avec quelqu'un, être amoureux de quelqu'un, vivre une passion amoureuse ou vivre une histoire d'amour. Ça restera et sera toujours éternel. Au début de Loving Fun, la relation avec Di Fool se passe comment? Très bien. Vous pensez qu'il va trop loin des fois? Non, ça me choque pas. Je pense pas qu'il va trop loin. Mais vous êtes dans votre rôle. Oui, aussi. Je suis dans mon rôle. D'abord, je dirais que David est quelqu'un qui est vraiment né dans la radio et qui a la fibre radio et qui connaît très bien la radio, c'est quelqu'un d'extraordinaire à ce niveau-là. Il faut quand même bien le reconnaître. C'est un excellent animateur radio et qui, au-delà de l'animation, a une vision plus globale de la radio. Et voilà. Donc, c'est sa passion. Et il a jamais d'ailleurs eu quelques vagues tentatives télé, un peu comme moi, mais il reste dans la radio parce que c'est sa passion. Donc voilà. Aller trop loin? Non, je pense pas. Vous savez, il y a façon et façon d'aller trop loin. Est-ce que, avec des mots crus, parce qu'on n'a pas beaucoup de mots à 18 ans, est-ce qu'on choque plus que des émissions de personnes beaucoup plus âgées qui vont parler de sexualité par une manière peut-être plus insidieuse, mais peut-être plus pervers aussi, hein. Voilà, moi j'ai entendu des histoires comme ça, moi je les ai entendues même sur RTL il y a 10 ans, comment un curé racontait sa pédophilie, enfin c'était extraordinaire, donc voilà. Bon, moi je me souviens aussi de séries à la télé où il n'y avait pas encore les films à pornographie, je parle de tsunami pornographique actuellement, mais à ce moment-là c'était quand même sur une chaîne, une grande chaîne, vous aviez ça s'appelle des films érotiques entre guillemets, c'est qu'on voyait pas la relation sexuelle. Moi je me souviens d'une scène très précise qui m'a beaucoup marqué, d'un jeune garçon qui invite une fille à la maison, sous prétexte d'aller faire une course, il s'en va, le papa est là, le papa du garçon bien évidemment, qui on regarde, voit dans les regards qu'il y a vraiment quelque chose qui est pas clair qui se passe dans la tête du monsieur, qui est un monsieur âgé, et qui verse un verre et qui met un comprimé dans le verre. Et à ce moment-là, évidemment, la fille devient complètement délirante. Ça s'est passé à 20h30 sur une chaîne, mais bon, on était sauvés, il n'y avait pas des gros grossiers, on parlait pas de sexe avec des mots de cru, et il y avait encore moins d'images de sexe. Donc tout allait bien. Donc c'est ça, vous voyez, là je trouve ça, par exemple, on peut se poser la vraie question. En 2001, vous passez sur RMC, c'est oui. Un autre type d'auditeur. Avec Christian Psychot, oui, bien sûr, j'ai trouvé ça toujours très intéressant, ça a beaucoup marché. Alors après, la troisième année, je faisais d'excellents quarts d'heure, j'étais à 300 000 auditeurs au quart d'heure, tout seul. Donc effectivement, un veille m'a dit, oh, c'est bon. J'étais un peu étonné, il me dit, mais oui, mais je voudrais que vous fassiez une autre émission. Vous êtes mieux pour l'information. Bon, je pense que pas mieux, je suis pas fait pour l'information. Moi, j'adore parler aux gens de la vie, des préoccupations de la vie, mais c'est pas donc, là-dessus, c'est pas dans la dernière année, c'est pas forcément ni bien ni mal passé, parce que je les aime bien. Mais voilà, j'étais. Vous aviez des jeunes et des personnes plus âgées à RMC, vous aviez tout. Oui, j'avais tout, effectivement, mais pas forcément des jeunes. Oui, des personnes beaucoup plus âgées, bien évidemment. Parce que vous savez, on a besoin quand même, quelquefois, d'avoir quelqu'un à qui parler sans détour. Voilà. Alors, après, c'est la voix, c'est ce que représente la personne, donc on a envie de se confier. Puis bon, ça reste anonyme. La radio a quelque chose d'extraordinaire, c'est l'anonymat, ce que n'a pas la télévision. En parallèle de toute cette période, vous continuez vos activités de pédiatre. Ah, j'ai pas changé ça. Ça, j'ai pas arrêté, j'ai jamais arrêté, même si ça a été très dur pour moi avec des moments d'épuisement parce que voilà, on n'est pas des surhumains, mais j'ai continué, j'ai repris, je travaille dans une maternité depuis plus de 30 ans maintenant. Depuis 30 ans, c'est terrible. Parce que je suis très fidèle, moi, je ne suis pas quelqu'un qui change tout le temps de boulot. Et donc, voilà, et plus chez moi, parce que le boulot de pédiatre, c'est un boulot extraordinaire, où une espèce de contrat moral qui s'établit entre des personnes et vous, ça marche pas, ils vont voir ailleurs, bien sûr, mais à partir de là, on les accompagne, à la fois dans les petits bobos du quotidien, mais aussi dans l'éducation. Et c'est vrai que, je ne me compare pas à Françoise Dolto, je n'ai rien à voir avec elle, mais j'aimais bien quand elle disait, quand j'étais petite, j'avais dit, je veux être médecin d'éducation. Donc moi, je suis un peu médecin d'éducation, quelque part, dans les questions qui me sont posées, où on se rend compte que les parents ont vraiment besoin de points de repère pour accompagner leurs enfants. Alors avant de lancer la pause musicale, en 2007, vous allez sur une web radio, parenthèse radio. Non, c'est pas une web, c'est une radio qui n'était pas parisienne, qui avait que le CSA avait mis en place, avec des fréquences toutes sauf Paris. Donc déjà, ça fait 10 millions d'auditeurs en moins. Et le CSA croyait beaucoup dans ce projet, était très content, avait fait beaucoup pour eux. Mais bon, en même temps, si vous voulez, c'est le monde de la radio, c'est pas une radio associative, donc il fallait des moyens, et visiblement, l'argent n'a pas été mis. C'était des filles très sympathiques, mais bon, la radio, c'est aussi beaucoup de professionnalisme. Ce n'était peut-être pas le cas, donc dommage. Mais c'était très intéressant. J'aurais peut-être pas fait a posteriori. J'ai réfléchi après, je me dis, j'aurais jamais dû prendre des gens au téléphone, parce que quand vous n'avez pas beaucoup d'audience, vous n'avez pas beaucoup de gens. Donc les témoignages sont moyennement intéressants, parce qu'il faut quand même beaucoup de diversité. Donc j'aurais fait des réunions avec plusieurs parents, j'aurais sollicité des gens. Mais bon, voilà, c'est tout. Mais c'est une expérience toujours intéressante, toujours dans des radios. Mais c'était pas une web radio. D'accord. Allez, vous avez choisi quoi comme pause musicale, Christian Spitz? Alors, ça va peut-être choquer, mais j'ai choisi Aval Superstan, qui est une chanteuse de Yiddish, donc avec une chanson qui me touche beaucoup. Pourquoi ça? Dans l'état actuel des choses, je suis absolument effaré par cette vague d'antisémitisme qui a toujours existé en France, mais ils n'osaient pas le dire. Bon, dans les franges, parfois très bourgeoises. Et je sais de quoi je parle, vraiment. De gens qui, effectivement, ont un antisémitisme profond, qu'ils n'ont pas abandonné, et qu'ils ont fait évoluer vers l'antisionisme, ce qui est exactement la même chose, pour moi en tout cas. Parce que Israël est quand même la seule démocratie de cette région, c'est un pays remarquable. Et moi, je suis toujours étonné de voir cet antisémitisme permanent, et qu'on oublie... Alors le Yiddish, vous savez ce que c'est un traditionnel des Juifs d'Europe centrale, beaucoup moins pratiqué, pratiquement plus pratiqué, même s'il reste quand même cette mémoire. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables de perpétuer une mémoire pour dire effectivement ce que c'est. Et c'est une chanson qui est pleine de joie, qui est très vive, qui a un accent oriental un petit peu, vous allez voir. Et voilà pourquoi j'aime cette chanson. Je me réveille avec ça le matin, même si il y a des gens qui m'ont dit un jour, quelqu'un qui est proche, qui m'a dit c'est quoi cette chanson allemande agressive. C'est pas de l'allemand, c'est du yiddish. C'est pas grave. Bon, ça ressemble beaucoup. Alors il y a des excuses, mais voilà, je suis encore. Les attentats récents montrent que. Moi, je dis, je comprends pas cette guerre de religion. Abraham, père des trois religions, mais où est-il? Et pourquoi peut-on se référer? Comment peut-on se référer? Comment peut-on dire que le Christ est un prophète dans une religion et puis finalement détester les autres religions? Comment peut-on haïr à ce point la religion qui est à l'origine de toutes les autres et sans laquelle les autres n'existeraient pas? Donc, on ne détruit pas. Je pense qu'on peut regarder vers l'avenir, avoir une vision différente de la société. Les religions peuvent apporter beaucoup de choses. Mais on ne doit jamais, jamais oublier d'où on vient et ses racines. Et on doit les respecter. Ce d'autant que c'est d'autant plus facile qu'il ne faut aucun prosélytisme et qu'ils sont quand même très respectueux des autres. Voilà. Killer wird der Flacker, nur der Wein, wenn is alt, is noch Geschmacker. Nur der alte Wein is gut, soll fahren in das Blut. werden groß. Wird mein Wort nicht kirn. Wird den Weg der kalter Tag. Mein Gesang nicht still. Heute muss ein alt schön sein. Will ich alt sein wieder weit. Bis die De retour sur Fréquence Protestante dans la mécanique des ondes avec Christian Stitz. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez nous rappeler la chanteuse? Ava Silberstein, donc j'espère bien prononcer son nom, j'ai pas mon téléphone sous le nez. Et voilà, c'est bien ça, oui. Une chanson en yiddish. Yiddish, oui. Alors, il y a Catherine Lara aussi qui a fait récemment un disque de yiddish. Je crois que c'est vrai que c'est bien de retrouver cette mémoire et de se dire que voilà, c'est quelque chose aussi, ils étaient très présents. On les a beaucoup anéantis et il faut pas oublier ce qu'était cette tradition, voilà, d'Europe centrale, qui n'est pas la tradition des séfarades. Exactement. Vous êtes toujours sur Fréquence Protestante, oui. Dans la mécanique des ondes, cher Christian Spitz, dans la deuxième partie de cette émission. Le 19 août 2013, 15 ans après l'arrêt de la première version, vous êtes de retour dans les locaux de la rue Bayard à Fun Radio. Ouais. Est-ce que Lovin Fun vous avait manqué? Ah, j'ai toujours dit que c'est un format auquel je croyais beaucoup et que je trouvais ça dommage qu'il y ait une uniformité de format sur les radios jeunes et qu'il y avait une place pour un projet comme ça. Donc ça fait plusieurs années que je le dis. Et voilà, bon, je l'ai dit et redit. Donc il se trouve que je connais bien Jérôme Fouquet. Donc ils ont lancé cette idée. Il y a un de mes fils qui est journaliste qui m'a dit, écoute, papa, ils sont en train de relancer là. Bon, une journaliste de Volops m'appelle, me dit, qu'est-ce qu'on pense ? J'ai écouté. Moi, j'ai pas d'opinion, simplement un titre ne fait pas l'émission, donc tout dépend ce qu'on met dedans. Et puis elle me pose la question, évidemment, mais vous pensez, je sais pas, vous feriez, oh oui, je dis oui, éventuellement j'en ferai. Donc du coup, 3 heures après la publication de ça, Jérôme, je peux te voir rapidement. Je dis oui, y a pas de souci. Et le lendemain matin, je faisais l'essai, et le lendemain soir, j'étais pris, quoi. Voilà. Tout simplement. Mais c'est très intéressant, évidemment, parce que, moi, je pense que la jeunesse n'a pas vraiment changé. Hein. C'est ce que j'allais vous poser comme question, exactement. Non, mais c'est... Alors, il y a le contexte qui a changé. Il y a deux choses importantes. C'est la première, le multimédia, les jeux vidéo, Internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment, voilà, tout le monde y a accès. Et puis, la deuxième chose, c'est la pornographie, le tsunami pornographique. Est-ce que c'est un danger? Je crois que c'est un danger pour les plus faibles. Et puis, je pense que, quand même, dans l'éducation, il faut avoir des repères. Et quand un enfant, un garçon, même si c'est déjà dans ses préoccupations, peut voir énormément d'images pornographique, son image en général violente, particulièrement violente, on peut se poser la question. Les plus solides, ceux qui effectivement ont un équilibre affectif satisfaisant déjà, même s'ils sont en pleine maturation, ne sont pas spécialement exposés parce qu'ils savent très bien que c'est pas la réalité. C'est comme si on disait, voilà, vous voyez, des scènes de crime. C'est pas pour ça que tout le monde est un meurtrier. 450% de séries violentes sur les télés françaises, européennes, plus 450%, c'était un constat que j'avais fait il y a 7 ans, j'avais fait travailler au ministère de la Culture. C'est assez effarant de voir ça. C'est pas pour autant qu'il y a plus de crimes. Bon, c'est la même chose pour la sexualité. Sauf que il y a des petits biais. Je vais faire un plan à trois, j'entends toujours. Mais c'est normal, il n'y a que ça dans les films pornographiques. Il y a différentes préoccupations comme ça qui reviennent. Préoccupations physiques. Et notamment, une qui est prédominante, qui est l'absence de pilosité. C'est vrai que le rasage prend de plus en plus le côté peau glabre, même sur les zones sexuelles, qui est assez intéressant, parce que c'est une vraie réflexion à avoir autour de ça. Qu'est-ce que la sexualité adulte, sinon effectivement, entre autres, ce caractère sexuel qui est quand même quelque chose d'absolument énorme, dont on a envie un peu de gommer, en tout cas de revenir à un état infantile. Donc il y a ça, il y a aussi, par exemple, les petites lèvres qui sont hypertrophiées, ben, les filles demandent aux chirurgiens esthétiques de leur enlever, parce que finalement, c'est pas ce qu'elles voient. Donc je crois qu'il y a des effets... Mais sur des questions d'apparence, là. Oui, bien sûr, mais on est dans un monde d'apparence, c'est sûr. Justement, la télévision et toutes ces télé-réalités, est-ce que ça a une influence sur la jeunesse d'aujourd'hui? Je pense qu'il y aura toujours autant de polytechniciens, de centraliens, des gens qui font des études brillantes, des gens qui s'inscrivent dans la vie. Je crois que ceux qui sont en difficulté, qui ont besoin de reconnaissance, sont persuadés que leur salut va passer par ce genre de reconnaissance, entre guillemets, sans raison particulière. Il faut pas spécialement du talent. On voit la première, d'ailleurs, qui fait régulièrement la une des journaux, je ne citerai pas son nom, la fameuse Loana, je crois, qui est vraiment dans un état préoccupant. Voilà, c'est sûr que ça n'a jamais aidé qui que ce soit, mais je pense que ça existe, d'accord, on sait pourquoi, mais il faut aussi leur dire que leur voix est peut-être ailleurs. Et autant pour la pornographie. Je suis pour un discours de vérité. Je crois que dans les cours d'éducation à la sexualité, il faut que les gens qui y participent disent, voilà, maintenant je vais vous dire ce que c'est qu'un film pornographique. Parce que si on démonte la mécanique, c'est quand même extrêmement ringard, un film pornographique. Et ça s'adresse à des gens qui sont en mal de fantasmes, de tout ce qu'on veut, d'excitation sexuelle, et qui donc vont essayer de stimuler comme ça. Donc il y a un petit côté, une certaine pauvreté de l'imaginaire. Bon, ça c'est la première chose. Et puis, pour ce qui est de besoin de reconnaissance, je crois que beaucoup d'adolescents ignorent leur qualité, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, ils sont persuadés que parce que beaucoup de gens vont les reconnaître, ils vont avoir une meilleure image d'eux-mêmes, ce qui est une erreur totale. La personnalité se construit au travers de pas mal de choses, mais notamment le fait d'avoir une bonne estime de soi, c'est aussi progresser dans l'apprentissage de quelque chose, dans la construction. C'est dans l'avenir, dans le fait de capacité de se projeter dans l'avenir, à construire quelque chose de sa vie. Ça peut être effectivement être un excellent mécanicien, ça peut être un très bon menuisier ou un très bon plombier, parce qu'il y a beaucoup de talent nécessaire là-dedans, ce qui manque beaucoup en fond. Je prends cet exemple. Il n'y a pas dans la réussite uniquement que les énarques, qui nous font d'ailleurs beaucoup de mal actuellement, et les grandes écoles dont on a bien besoin, bien évidemment, parce qu'il faut aussi des gens qui soient à ce niveau-là. Donc c'est ça qu'il faudrait. Il n'y a pas assez de communication. On est dans un monde de communication. Donc on voit un petit peu, là, les exemples des élections européennes, c'est assez étonnante. On a parlé de quoi ? Que du Front National, ce qui est assez lamentable. Effectivement, des petites guéguerres. Les Français n'ont pas entendu de discours sur ce qu'était l'Europe, sur le fond, il n'est pas là. On est dans le sensationnel, dans l'image, dans le voilà. Mais ça, c'est embêtant. Mais il faut lutter contre ça. Vous parlez de communication et d'échange. Je trouve que c'est un petit peu l'objet de vos deux derniers livres parus aux éditions Jouvence. Doc, j'ai une love life, une vie amoureuse en français. Doc, j'ai besoin d'air, mais de ma famille aussi. Je trouve que ce sont des journaux intimes avec des guides pour les jeunes. Oui, ça, le but. Alors, cette collection Jouvence qui rencontre un grand succès. L'éditeur est à Genève. Ça inonde tout le monde de la francophonie. Ce sont des gens très actifs. J'aime bien les Suisses parce qu'ils sont très, très carrés quand même. Bon, je le dis comme je le pense. Et en général, tout à fait honnête, ce qui nous éloigne un petit peu de l'agitation française, particulièrement parisienne. Bon, ça, je le dis comme ça. Donc, j'ai travaillé avec eux et l'exercice, c'est à la fois effectivement des conseils, mais aussi on devient acteur. C'est-à-dire qu'on doit trouver des mots sur ce qu'on ressent. Je pense que quand on est jeune, on ressent beaucoup de choses, on arrive du mal à exprimer ce que cela veut dire. Par exemple, quand on arrive à définir sa famille, quand on a 10 critères positifs, 10 critères négatifs, on doit les cocher. Quand on les coche, on a le mot. Derrière le mot, on a un sens. Et après, ça incite à la réflexion. Et puis, dans ces cahiers, il y a aussi le fait d'écrire. De se définir ce que je veux, comment je vois ma vie, comment serait l'amour idéal, par exemple. Tout ça, alors, à partir de là, on rentre dans le champ, effectivement, des mots, de la signification des mots, de ce que je veux dire. Ce qui est très important à cet âge-là, de ne pas être uniquement dans quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, de la pulsion qui est vécue comme ça, de façon non réfléchie. C'est important de s'arrêter quelquefois, de se définir, de réfléchir sur soi. C'est le but de ces cahiers. Et justement, ça aide à communiquer à l'heure d'Internet. Est-ce que les jeunes se renferment plus qu'avant, par contre? Non, du tout. Ils ont beaucoup de communication. Ils ont besoin de discuter. Beaucoup besoin de discuter. Les réseaux sociaux aident pas mal. C'est vrai qu'il y a des abus, mais il ne faut pas avoir... C'est pas la même façon de discuter par écrit que par oral avec ses parents. Alors, c'est complètement, oui. Et puis... c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, le langage est mis à mal. Bon, la langue évolue, hein, mais là, elle évolue très vite. Je sais pas si l'Académie française va réussir à suivre. Moi, j'ai du mal moi-même parfois à comprendre, mais il faut aussi accepter. Oui, bien sûr que l'échange... Mais c'est absolument essentiel de dire que les jeunes ont besoin des adultes, mais il faut définir comment et pourquoi. Ils ont besoin des adultes qui ne pensent pas à leur place et qui n'imaginent pas leur vie, qui les laissent prendre le propre chemin. C'est un accompagnement qui est vraiment absolument essentiel. C'est peut-être même, d'ailleurs, ça devrait être l'objectif de toute vie. Et moi, je parle parce qu'effectivement, j'ai 6 enfants, j'étais passé à la 60aine, et que maintenant, on devrait être déjà très tôt, qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Qu'est-ce que je transmets ? Robert Debré, qui était un grand pédiatre, avait dit « Nos enfants, c'est notre part d'éternité ». Et ça, c'est très important. On devrait chaque jour, quand on se réveille, dire, qu'est-ce que je leur transmets? Comment ils vont se construire dans la vie? Quelle place ils vont prendre? Quelle responsabilité ils vont prendre? Si on veut un monde meilleur, il faut effectivement être à côté d'eux, les encourager et les voir de façon positive. Parce qu'on les voit trop de façon négative. Regardez, c'est les médias. ne parle des jeunes que quand il y a des catastrophes. C'est dramatique l'image qui est renvoyée des jeunes. Alors qu'en fait, ils sont formidables d'une part. Alors faut être à la fois bienveillant mais exigeant, bien évidemment, mais bienveillant. Ça, c'est important. La mécanique des ondes. Alors une question courte, une réponse courte pour clore cette interview. Christian Spitz, quelle radio vous réveille le matin? C'est les chansons, les musiques, puisque j'ai ça sur ma... Alors, je zappe, en général, les radios d'information. J'aime bien RTL, et parce que je travaille dans le groupe Europe 1 aussi, et puis France Info dans la journée. Quelle radio vous endort le soir? J'ai pas besoin de m'endormir. Je m'endors tout seul, j'ai pas besoin de radio. J'écoute surtout pas la radio, parce que je m'endors en 5 minutes. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Ma moto. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Mon bureau, là où je travaille. Votre meilleur souvenir de radio? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Meilleur souvenir de radio, il y en a plein. Je pense que c'est dans les échanges que j'ai eus avec certains jeunes et probablement ce souvenir très précis d'avoir reçu un jour une lettre d'avocat qui me disait, écoutez, voilà, une jeune fille a écouté votre émission, elle a pris conscience qu'elle était victime d'agression et qu'elle pouvait se défendre, elle a donc déposé plainte, l'agresseur est en prison. Ça, c'est très... d'un seul coup, vous dites, bon, voilà. Et puis, le meilleur souvenir radio, global, tout à fait global, c'est les retours que j'ai de gens qui ont entre 30 et 40 ans maintenant et qui me disaient, ah, vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Et ça, c'est quotidien, c'est extraordinaire. Donc, je me dis, tiens, j'ai laissé une trace, mais à aucun moment, j'ai pensé laisser... C'est le retour qui est gratuit et sympathique. Ça, c'est le meilleur souvenir radio que j'ai. Et votre pire souvenir? Oh, probablement le scandale qu'il y a eu autour de Fun Radio et la fausse publicité et de cette émergence dans le circuit médiatique qui était absolument... Là, je me suis rendu compte ce qui était des choses qui n'étaient pas vraies, quoi. Un seul conseil à donner à ceux qui veulent consacrer leur avenir aux médias radio, qu'ils veuillent commencer ou qu'ils y soient déjà? Oui, ben il faut une bonne formation. C'est toujours la même chose, c'est très frustrant, mais déjà, acquérir une bonne connaissance de la langue, probablement une formation théorique. Alors ça passe par les études, le bac et puis pendant des études. Et je crois que ça... Alors il y a beaucoup de jeunes qui sont persuadés qu'il faut faire une école radio très vite sans avoir de bagage. Je crois que c'est une erreur. Je crois que la culture restera comme quelque chose d'absolument extraordinaire, donc il faut l'acquérir. Et pour avant de se lancer là-dedans, c'est mon avis. Mais bon, après, on peut changer d'avis aussi. Vous répondez à Jean-Yves Hautemulle, qui vous pose une question. Cher Christian, j'aimerais que vous nous racontiez votre plus grand fou rire avec Difool sur Fun au démarrage, hors micro. Il y avait beaucoup de complicité, des fous rires, j'en ai pas avec David, parce que c'est quelqu'un qui est très concentré sur son travail. Et j'ai pas de fou rire avec David. Il n'y a jamais de fou rire avec David. Mais à l'antenne, oui, il y en avait. Il y en avait beaucoup, oui, bien sûr. On pouvait se rire. Mais il riait de certaines choses, moi. Mais bon, ça, c'est une question personnelle. Je ne critique pas le fait. Il y a des choses qui faisaient les choses hyper glauques, la faisaient éclater de rire. Mais c'est quelqu'un de très concentré. Ça, il y a un vrai talent radio. Donc, fou rire, ça n'existe pas chez lui. En tout cas, je n'en ai pas de souvenir. Christian Spitz, le doc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle vos deux derniers livres, Doc, j'ai une love life et Doc, j'ai besoin d'air. Mais de ma famille aussi. Et ça, c'est très important. Oui. 7,90€ chacun. Merci beaucoup. Et merci. On vous retrouve tous les soirs, donc. Oui, du lundi au jeudi, pas le vendredi, samedi, dimanche. Moi, vous êtes de repos, quoi. Oui. Vous avez le droit quand même un petit peu. Je suis souvent à la clinique aussi, mais enfin bon, j'irai pas. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Au revoir.